canard sauvage poussera des cris. Car ici sur la terre, Jésus, y a plus d'endroit où mettre ses oreilles. Remplies de péché, ouvrirai-je encore, Seigneur. Solo nanga molimo mo santue yo le bon. kamata ki mosa polina yo yesu awa itala kiye ora lomper olo bakiye tombola elongi na yo o ngainde ngainde bozi na yo olo lande o ngainde bozi na yo Basekinga impona zali se boyero Balobite na maladi otika kinga iboyero O masia e yonde monganga nanga O masia e yonde likia nanga o Moli momo sangue yonde bozi nanga Mituka, atana.